Marie-Chantal, si tu voulais baiser, mais tu veux pas, et ça me fait bien chier. Or pourquoi continuer à se faire chier? Car moi, faut que je continue à me branler. Marie-Chantal, est-ce que t'aimes toujours l'anal? Marie-Madeleine, est-ce que tu portes toujours tes bas en laine? Oh Marie-Chantal, Marie-Chantal, tu m'en fais voir, hein.